Di Sadera un po' su rompe cadene ai de corta dura fino alla regina senza scusa. T'inquiète pas, c'est sûr que plus de pas quand tu souffres de plus. Je n'aime pas ce qu'elle m'en croyait pas et m'en voulait pas. Fais tout ça guette, ça tourne dans ma tête. Crois pas que je me la pète, je fais pas le mec. Ça m'en veut, je fais avec. Je les ai dès la veille, je fais pas la fête. En ce moment, je fais la tête. Sur pépé, c'est pas le top. Ça t'endette, tu te fais le Robocop. Si tu fais la top, tu dans le sang. Vas-y, monte le sang. Vas-y, fais le signe. Wesh alors, merci bien la zone. Merci bien la zone. Ils sont en deux-deux, le rap monte à table. Avec soin de mes bobos ici. Si tu te montres un peu trop, direct, ça veut te faire dodo. Trop sur mes bras, je suis plus les faux, les braves. Mais j'affronte les épreuves, mon cœur est paf. Les actions, on les grave. Les actions, on les grave. On sent les griffes, si tu touches au noyau. Cherche pas nager, t'as la cour des grains, mon grand, tu vas te finir par te noyer. J'suis toujours resté loyal, vrai de vrai si tu voyais. J't'avais dit que j'allais tout niquer, mais personne me croyait. Be quiet, be quiet, mitraillette, mitraillette. Ici c'est trop ça, y'a rien que ça, y'a t'es 20 guitares, y'a pas de super saïen. La rue ça mine, fait où ça mène l'argent, ça ruine. À quoi ça rime, après ça rame, quand ça perd, après ça ramène. C'est cramé carrément. J'rêve de me parler, j'peux plus zoner. Ma mère s'fait du souci pour moi, j'lui dis t'inquiète, c'est carrément. J'fais carénage, j'suis prado carénage. Sorti des marécages, un peu comme Maricos. Mon pas les couilles, moi j'suis porte pas les couilles. On agit sans crier, j'crois que j'irai pas loin sans prier. S'est fait péter, il est rentré sans crier. Sans prier, sans prier. Silence est autant précieux que sans payer. De 500, j'peux dire qu'à l'inverse, tu cours comme un sanglier. A deux dans le Clio, j'ai percé sans payer. Muratto di Sadera. Un po' su rompe cadene. Ai, de corta dura fino alla regina. Senza scusa. Sadera un po' su rompe cadene. Ai, de corta dura fino alla regina. Senza.